Retour à Killybegs, de Sorge Chalandon. Avec Marc Barbet dans le rôle de Tyrone Meehan. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Septième épisode. Killybegs, décembre 2006. Se sachant condamné par ses frères d'armes, Tyrone Meehan, 81 ans, républicain irlandais, membre de l'IRA depuis son plus jeune âge, se réfugie dans la maison de son enfance pour y attendre la mort. Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille et mes proches. Des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence. Lorsque j'ai quitté Lancash le 7 janvier 1981, Bobby Sands organisait une grève de la faim pour que nous obtenions le statut de prisonnier politique. L'année précédente, en octobre 1980, 7 prisonniers avaient jeûné pendant 2 mois et demi. À la prison d'Armagh, 3 femmes avaient cessé de s'alimenter à leur tour. Londres a gagné du temps. Négociant l'arrêt du mouvement, les Britanniques ont promis de revoir le statut carcéral. La grève de la faim a cessé. Mary et les 2 Murraid ont accepté de s'alimenter. Comme Tom, Sean, Leo, Tommy et Raymond. Comme Brandon, l'officier de l'IRA commandant la prison, qui avait été remplacé par Bobby Sands. Un mois plus tard, Humphrey Atkins, secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, reniait sa parole. Les prisonniers républicains restaient des droits communs. Bobby avait accepté l'arrêt de ce premier jeune. C'était à lui de prendre la tête du second. À sa détermination s'ajoutait la souffrance d'avoir été trompé. Il commencerait sa protestation le 1er mars 1981. D'autres le suivraient, un par semaine. Et les vivants relèveraient les morts. Mais pas Aiden, pas lui. Je ne sais pas pourquoi je lui ai fait promettre. Ici, entre ces murs, je n'avais pas d'ordre à lui donner. Tu n'as que 19 ans, Aiden. La vie devant toi. Ne t'inscris pas sur la liste des volontaires pour le martyr. Cette grève sera mortelle, tu le sais bien. Pense à ta fille. C'est encore un bébé. Tu n'as pris que 5 ans, tu sortiras. Tu pourras prendre soin d'elle. Je lui ai demandé qu'il le fasse pour moi. Il me l'a promis en fils. Et il a tenu parole. Belfast, 8 janvier 1981. Embarquez-le. À 4 heures du matin, 3 blindés de l'armée, 2 Land Rovers de la police britannique et 10 de soldats ont envahi Dolbar Lane. C'est moi qu'ils venaient chercher. 9 heures seulement après ma libération. Retirez-lui les menottes et la cagoule. J'étais face à une large table et ils étaient 3. Aucun uniforme. Des civils. Un café ? Un thé, peut-être ? Celui qui parlait enlevait son anorak sans me quitter des yeux. Il était roux, avec une moustache en broussaille, l'œil gauche enfoncé dans l'orbite. Le deuxième était très mince. Le troisième avait les cheveux blancs. Il regardait par la fenêtre. Il observait mon reflet dans la vitre. Nos regards se sont croisés. Pourquoi je suis là ? Tiens. Nous savons tout de toi. Tyrone Meehan. À notre tour de te donner des explications. Moi, c'est Stephen Petrie, agent du MI5, le contre-espionnage britannique. Je veux rien savoir. Assieds-toi, Tyrone. Tout va bien. Allez, allez, assieds-toi. Voilà. Je te présente Willy Wallis, de la Special Branch. Tyrone. Et Frank Congreve, officier de la police royale d'Ulster. Tyrone. Mais pour faire simple, tu pourras nous appeler l'agent, l'espion et le flic. Ça ne m'intéresse pas. Si vous n'avez rien à me reprocher, laissez-moi partir. Je vais te raconter une belle histoire, Tyrone. Vos gosses aiment les belles histoires, non? Les fées, les lutins, tous ces trucs. Franck, toi qui es du coin, on les appelle comment, les lutins, par ici? Les leprechauns. C'est ça, les leprechauns. Et puis quand il vieillit, l'Irlandais rêve de martyrs et de héros. Les héros, c'est essentiel dans ce pays, non? Je me trompe, Tyrone? Et toi, Franck, qu'en dis-tu? Le héros est important en Irlande. Vital, Stephen. Vital. Parole de protestant d'Ulster. C'est fini. Je peux partir? Partir? Bien sûr, qu'on va te laisser partir. Mais avant, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil à ça. Il a sorti de son cartable une petite poche transparente. À l'intérieur, trois balles écrasées, déformées par le choc. Et une étiquette cartonnée pliée en deux. Prends le sachet, Tyrone. Tu as peur des balles? Ça ne te ressemble pas, Meehan. Vas-y, prends-en une. Pour coller mes empreintes? Vous me prenez pour un con? Tu connais ce calibre? Du 45 ACP, Tyrone. La munition du pistolet mitrailleur Thompson. Tu commences à comprendre pourquoi t'es là? Alors il a déplié l'étiquette jaunie et l'a posée devant ma tasse. Une écriture rouge. Daniel Finley, 14 août 1969. J'étouffais. J'entendais mon cœur battre. J'étais à Dolpar Lane, dans la fumée des gaz. Notre rue, la barricade, les yeux immenses de Danny, sa surprise. Danny n'a pas souffert, il est mort presque sur le coup. Tu as logé la première balle près de son cœur. On a retiré les autres de sa hanche et de sa cuisse. Vous ne savez rien. Tout, Tyrone, on sait tout. Nos hommes étaient dans la foule. Deux d'entre eux étaient là quand tu as tiré. Ils ont témoigné. Tu as trébuché. Et tiré. Voilà, c'est ça. Un trébuché et tiré, c'était un accident, Tyrone, nous le savons. Avant même qu'on retrouve l'arme, nous le savions, Meehan. Et puis il y a eu cette chanson. C'était comment cette chanson déjà? Tu te souviens, Will? Si, je me souviens. Danny est tombé pour l'Irlande, lâchement assassiné. Et avec sa vieille Thompson, son camarade de colère, a renvoyé les tueurs en enfer. Son camarade de colère. C'était bien trouvé, ça. Je te cache pas que lorsque cette balade a commencé à circuler dans les pubs, on s'est bien marré. C'est vrai, ça nous a fait bizarre de voir l'assassin de Finley applaudi par sa veuve le jour de son enterrement. Et tu sais quoi? On a décidé de toucher à rien. On a laissé faire. C'est important de ne pas froisser les croyances. Tu as fabriqué le martyr idéal et nous t'avons aidé à devenir le héros parfait. Sois très attentif, Tyrone. Regarde-moi. Soit tu sors d'ici et tu vas tout raconter à Lyra, soit tu décides, comme nous, de ne pas toucher à cette belle histoire. Eh tiens, bois un peu d'eau. Avoué plus de 10 ans après, c'est seulement risqué, non? Au mieux laisser le martyr et le héros en paix, tu crois pas? Vous voulez quoi? Te protéger, Tyrone. Répondez, merde! Que tu nous aides. Jamais. Pense à Sheila, Tyrone. Une brave femme, fragile, au cœur de la guerre. Je suis pas certain qu'elle se plairait à la prison d'Arma. Jack? Et ton fils, Meehan? Une simple signature et on l'envoie purger sa peine sur le continent. Tu imagines ça, Tyrone? Un mec de l'IRA? Un putain de cato? Un tueur de Brits balancé dans une cellule écossaise bourrée d'assassins? Alors, mec, tu veux vraiment retourner dans ta merde? L'agent du MI5 a fait un signe aux deux autres. Congreve, le flic, est sorti de la pièce. Puis Wallis, l'espion. L'IRA dit partout qu'elle veut la paix. Nous aussi, on veut la paix. Alors on va la faire ensemble, cette paix. Toi et nous, Tyrone. Je ne suis pas un traître. Qui te parle de trahir? Ce que tu vas faire est héroïque, au contraire. Vous dites toujours qu'il faut faire la guerre pour avoir la paix. Et moi, je te propose de déclarer la guerre à la guerre. C'est des conneries! Tu crois ce que tu veux. Tu es foutu, Mihan. Alors, au lieu de te faire une raison, autant t'en trouver une, non? Salaud. Pourri, fumier, salopard d'anglais. Fais-toi plaisir. Je dis simplement qu'on ne travaille jamais bien avec un type qui se croit obligé. Moi, je préfère les hommes de bonne volonté. Et tu es de bonne volonté, Mihan. Laissez-moi partir, merde! Je t'offre une conscience toute neuve. Le remords gâche l'existence, Tyrone. Nous allons t'aider à t'en débarrasser. Et puis tu sais, en mentant sur la mort de Danny, tu avais déjà fait la moitié du chemin. Je te laisse un moment. Pas pour réfléchir, mais pour reprendre tes esprits. Si t'as besoin, nous sommes dans le couloir. Depuis toujours, Sheila avait une habitude. Elle faisait les jeux concours des journaux et des grands magasins. Quand j'étais à Kremlin, elle a gagné tout un tas de petits cadeaux et des réductions par dizaines. En sortant de Lancashire, j'ai trouvé un fauteuil neuf dans le salon. Premier prix des magasins Stuart's. Depuis l'arrestation de notre fils Jack, elle s'était remise à jouer. Ce soir-là, lorsque je suis rentré du centre-ville, j'ai posé un jeu concours près du téléphone avec le courrier. Et puis j'ai attendu. Nous étions le 2 mars 1981. Ça te dirait une petite escapade à Paris, Tyrone? Je me suis retourné. Mon cœur était broyé. Paris? Après tout ce que tu as vécu. Écoute ce qu'ils disent sur le prospectus que tu as rapporté. C'est votre rêve. Sanderson Store le réalise. Pour fêter l'ouverture prochaine de notre magasin dans votre quartier, gagnez un week-end pour deux à Paris, la ville la plus romantique du monde. Tu t'imagines à Paris avec moi, Wiman? Wiman, petit homme. Depuis l'enfance, elle m'appelait comme ça lorsque nous étions seuls. Sheila me dépassait d'une tête. Il n'y a même pas de question. C'est un tirage au sort. Paris. Tu te rends compte? Allez, je le remplis. Tu sors? Oui. Si tu passes devant une boîte, tu peux glisser ça? Mmh. Il n'y a même pas besoin de timbre. Dans la rue, j'ai déplié la publicité. L'écriture de ma femme. Sheila et Tyrone Meehan, 16 Harrow Drive, Belfast. Ces petites lettres bleues. Sa manière de souligner nos prénoms. En arrivant sur Falls, je ne respirais plus. J'ai soigneusement découpé nos noms sur le coupon. J'ai mâché les morceaux de papier. Puis j'ai déchiré le concours et jeté les morceaux par-dessus les grilles du parc. Je suis entré au Busy Bee. La foule habituelle. Les visages, les regards. Ils ne voyaient pas le traître. Mais comment faisait-il pour ne pas le reconnaître? Ce mot semblait gravé sur mon front. J'avais décidé de boire. Je suis resté seul au bar. Paul, le barman, tirait la bière suivante lorsque la précédente était vide à moitié. Je ne lui demandais rien. Nous avions été en cellule ensemble à la prison de Crumlin. En ressortant du Bisubi, j'étais ivre. Sheila allait gagner ce voyage. Je le savais. Dans quelques jours, un coup de téléphone lui annoncerait la grande nouvelle. Sheila n'était jamais allée à l'étranger. Moi non plus. Nous ne connaissions du monde que le bout de notre rue. Je regardais les nuages au-dessus d'Anslievdov, la montagne noire. J'ai eu envie de me rendre à Lyra. Et puis j'ai eu peur. Mais pas de mourir. Je vivais dans la stupeur de Dany. Et avouer aurait été lui demander pardon. Si j'avais eu la certitude que Lyra était prête à me suivre, et donc à me juger, à abîmer avec moi ce symbole, à déchirer une page glorieuse de son histoire, je l'aurais fait. Mais j'étais persuadé du contraire. Je me suis souvenu de la visite de l'officier pendant ma convalescence. Dany martyr, Tyrone héros. Surtout ne pas entraver la marche de notre histoire. J'ai eu peur de cela. Peur d'avouer la vérité pour rien. D'implorer l'indulgence pour rien. Mes ennemis se servaient du mensonge. C'était dans leur nature. Mais je ne l'aurais pas admis de mes chefs. Je me serais alors retrouvé seul avec l'aveu, sans personne pour l'entendre. Plusieurs nuits, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et un matin, au réveil, ma décision était prise. J'allais tromper mon peuple pour que Lyra n'ait pas à le faire. En trahissant mon camp, je le protégeais. En trahissant Lyra, je la préservais. Il fallait que je pose des conditions aux Brits. Pas d'arrestation, pas de victimes. Je devais contribuer à la paix, pas à la souffrance. Je n'étais pas un flic, mais un patriote irlandais. Il me faudrait des garanties. Je me suis arrêté pour pisser contre un mur. Et si le flic roux avait raison, je me foutais bien de Lyra. Cette histoire de trahir pour ne pas la trahir était une fable que je me racontais. Si j'acceptais de travailler pour eux, c'était pour sauver ma réputation. Je ne voulais pas saccager le grand Tyrone Meehan. Toute ma vie, j'avais recherché les traîtres, et voilà que le pire de tout s'était caché dans mon ventre. J'étais devenu un salaud comme mon père. C'est-à-dire finalement un homme sans importance. Vous voulez un bonbon ? Ça évite d'avoir mal aux oreilles. Ah bon ? Je ne savais pas. C'est très gentil. Merci, oui. Avec nous, un autre Merci. Couple avait gagné le voyage en France. Frank et Margaret. Dans l'avion pour Londres, nous avons voyagé ensemble. Et aussi sur le vol pour Paris. Sheila était près du hublot. Margaret aussi, juste devant nous. Alors, ces deux jeunes de Belfast qui sont en voyage de noces à Paris. Une nuit, ils marchent sur les Champs-Élysées quand tout à coup surgissent quatre voitures de police, trois camions de pompiers et deux ambulances toutes sirènes hurlantes. Le mari prend alors sa jeune femme par la main et lui dit « Tu entends, ma chérie, ils jouent notre chanson. Ah. » Sheila a ri. Il y avait tellement longtemps que je ne l'avais pas entendu rire. Le mari de Margaret s'est tourné vers Sheila. C'était Frank Congreve. Les services secrets étaient donc du voyage. Si ma femme vous dérange, n'hésitez pas à lui dire. C'est comme ça que je fonctionne depuis 20 ans. Oh, pas du tout. Votre femme est adorable. Elle était tellement heureuse que plus rien ne comptait. Elle croyait me donner la main, mais c'est moi qui serrais la sienne. Sheila, appelez-moi Maggie. Je vais avoir un peu de mal. Nous étions le jeudi 2 avril 1981. Depuis 33 jours, Maggie Thatcher laissait mourir Bobby Sands. Mon Dieu, où avais-je la tête ? Veuillez me pardonner. Nous ne parlerons ni de politique, ni de religion pendant tout le voyage. Ça vous va comme ça ? Je crois que c'est mieux, oui. Voilà. Nous irons même visiter Notre-Dame avec vous, si ça ne vous gêne pas. Mais très bien, oui. Oui, puis il faudra organiser une soirée entre femmes. Toutes les deux, rien qu'entre nous. Vous aimez l'opéra, Sheila ? Oui, peut-être, je ne sais pas. J'ai réservé deux places pour Arabella. C'est une comédie lyrique de Richard Strauss, mais Franck déteste ça. Si Tyrone le permet, et si vous en avez envie, on pourrait peut-être y aller toutes les deux, pendant que ces messieurs iront s'aérer à Pigalle, dans un bar de nuit. Ouais, j'adorerais. Vous me sauvez, Sheila. On va pouvoir prendre quelques heures entre hommes. Pas vrai, Tyrone? J'avais le ventre noué. L'avion qui volait vers Paris avait à son bord un policier nord-irlandais, une inspectrice de la Special Branch, un futur traître et une brave femme. C'était une idée du MI5 et j'avais accepté. Quand j'avais déposé le bulletin réponse près du téléphone, je trahissais Sheila pour la première fois. Tyrone? Quelque chose ne va pas, petit homme? Tout va bien, grande femme. Nos yeux l'un dans l'autre. Elle a approché ses lèvres de mon oreille. Un murmure. Je t'aime. Moi aussi. Deux jours plus tard, je retrouvais Frank et Stephen Petrie. Le flic roux était à ma gauche, l'agent du MI5 à ma droite. Tu n'es pas en mesure de négocier, Tyrone. Mais nous avons examiné tes requêtes. Personne ne devient un bon agent par le chantage ou la contrainte. Ceux que l'on menace craquent au bout de deux renseignements. Nous voulons établir un autre rapport avec toi. On veut que tu y trouves ton compte. Mon compte? Ton compte, oui. Je dirais pas du plaisir, mais... un peu de satisfaction. Ta collaboration n'entraînera ni arrestation, ni victime. Tes informations serviront à sauver des vies, pas à en gâcher d'autres. C'est une promesse? Je m'y engage. Désormais, je serai Wilder. Ce sera mon nom de code. Le seul que tu emploieras. Répète. Wilder. Je suis de Liverpool. Je suis arrivé à Belfast il y a quelques mois. Je ne connais personne dans les quartiers et personne ne me connaît. C'est une garantie. Mon anonymat te protégera. S'il m'arrivait quelque chose, ton contact serait Dominique. Dominique? Maintenant, c'est moi, Dominique. Et à partir de maintenant, Franck devient Dominique. Oublie Franck. J'étais sidéré. Anesthésié. Docile. J'étais en train de trahir. J'étais un bravador. Un mouchard en gaélique. Toi, Tyrone, tu seras ténor. Comme un chanteur? Comme un chanteur. Wilder et Dominique sont aussi des personnages d'Arabella que nos femmes vont voir ce soir. Ta femme? Il y a mission plus difficile. Mais on fait l'y à part. J'ai ri. Pour la première fois depuis ma fausse arrestation. L'agent et le flic se sont regardés. J'ai surpris ce regard. Ils étaient soulagés. Une heure plus tard, je savais tout. J'avais deux numéros de téléphone à retenir. C'était à moi de contacter Wilder. Aucune information par téléphone, jamais. Simplement dire « ténor », un code qui signifiait « rendez-vous le lendemain » à l'heure de cet appel. J'étais au fond du piège. Un trou immense, aux parois lisses. Plus rien ne me ferait jamais remonter à la surface. Ils m'avaient pris. J'étais à eux et ils le savaient. C'était Retour à Quilibegs de Sorge Chalandon avec Marc Barbet, Aurélia Petit, Jean-Luc Porraz, Éric Herson-Macarel, Fabrice Pierre, Romain Lemire, Marie Verge. Merci au capitaine Bassot et au personnel du camp de gendarmerie de Benne. Bruitage, Bertrand Amiel, Céline Bernard et Benoît Fèvre. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Frédéric Changenet. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Adaptation et réalisation, Pascal Deux. Retour à Quilibegs est publié aux éditions Grasset. Retrouvez l'intégralité du générique sur le site de France Culture à la page des fictions.